La Corée a fait paraître un nouveau timbre, timbre individuel, à motif de la carte de la Corée à l'esprit du tigre. Le timbre représente la carte coréenne en tigre coréen. La carte a symbolisé les caractéristiques géographiques de la Corée en tigre coréen courageux dans les années 1920 en signe de protestation contre les impérialistes japonais qui, après l'occupation de la Corée, ont tenté de supprimer même le nom, le prénom, la langue et l'écriture des Coréens. Cette carte a dessiné la grande chaîne de montagne Paektu avec le vertèbre du tigre et les petites chaînes ramifiées du Paektu avec les rayures du corps du tigre.